Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89.1 et nous poursuivons l'émission avec Marie-Claude Dionne qui va nous parler de la découverte d'un scarabée bien particulier parce qu'il a vécu en Antarctique. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Karine. Alors la plus grande question qu'on peut se poser lorsqu'on entend parler d'une telle découverte, c'est est-ce qu'il y a des insectes ou même peut-être quelconque faune qui vit en Antarctique aujourd'hui? Et la réponse, c'est oui. Mais il faut dire que la faune de l'Antarctique se concentre principalement, ou presque dans sa totalité, dans les eaux de l'océan Austral et dans les pourtours côtiers de la masse terrestre. On y compte plusieurs espèces d'oiseaux, des manchots, des dauphins et des baleines. Mais peu d'invertébrés vont se retrouver là. On a quand même quelques acariens, des poux et trois espèces de mouches, dont la Belgica antarctica qui ne fait que 12 mm. Elle est miniature et elle n'a pas d'ailes non plus, donc elle vole pas. Ça va pas bien pour une espèce de mouche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule espèce endémique qu'on retrouve en Antarctique. Donc, en d'autres mots, c'est une espèce qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde, au même titre que le koala est endémique à l'Australie. Alors oui, il y a des animaux et des insectes sur ce continent, mais aujourd'hui, il n'y a aucun scarabée qui s'y promène. Mais ce qui a été découvert, c'est pas un scarabée, mais c'est plutôt un fossile de scarabée. Donc, il s'agit d'une ancienne espèce, c'est bien ça? Exactement. Le fossile d'une espèce de scarabée qui a évolué dans un environnement qui est bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui de l'Antarctique. Mm-hmm. À l'époque actuelle, le climat de l'Antarctique, hein, ça va sans dire, là, il est assez rigoureux si on veut, mais il n'a pas toujours été. Il fut un temps où on pouvait trouver sur les côtes de ce grand continent-là un paysage qui ressemblait à celui de notre toundra actuelle. Donc, il y avait des petits arbustes et des petits arbres. Mais cette période date d'il y a des millions d'années, à une époque que les paléontologues appellent le Miocène. Et là, petite parenthèse, même si on est à des millions d'années d'aujourd'hui, on n'en est pas assez reculé dans les temps préhistoriques pour avoir la présence des dinosaures, qui, eux, ont vécu plusieurs millions d'années avant même le scarabée qui vivait en Antarctique. Et là, précisément, l'espèce en question, de son petit nom scientifique, le scarabée de toundra antarctique de Bâle, aurait vécu sur ce continent-là entre 20 millions et 14 millions d'années avant aujourd'hui. C'est assez large, vous allez me dire, mais malheureusement, les tests qui nous donnent les datations ne peuvent pas être plus précis que ça. Mais justement, comment on fait pour dater ce genre de fossile? Il me semble que c'est tellement vieux. Oui, c'est que le fossile, en fait, en soi, n'est pas prédisposé à être daté par la méthode commune qu'on appelle de radiocarbone 14. Entre autres parce que cette datation-là ne fonctionne pas au-delà de 5000 ans. Mais on doit viser un autre type de datation pour avoir une certaine idée de la date où s'est produit l'événement. Puis on parle d'une datation indirecte. On regarde dans ce type de cas-là à dater les couches sédimentaires où se trouvent les artefacts ou le cas présent, les écofacts. Les chercheurs ont regardé dans le cas présent les dépôts fossilifères et le pollen, toutes deux datées par la datation qu'on appelle argon-argon, qui est le rapport de l'argon 40 sur l'argon 39 dans les échantillons qu'on a traités. Et les données sont comparables. Elles donnent enfin une datation du milieu du Miocène. Ce qui est assez intéressant de corroborer ou corréler à cette date-là, c'est l'optimum climatique lors du Miocène moyen. Durant cette période-là d'environ 2 millions d'années, les températures étaient beaucoup plus chaudes, environ 4 à 5 degrés de plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a eu une grande fonte de l'Inlandsis, donc c'est un mot fancy si on veut pour la calotte glaciaire de l'Antarctique, et ce faisant, la glace a laissé place à un biote de toundra. Biote, c'est un terme écologique pour nommer l'ensemble des organismes vivants dans un seul et même lieu, donc on parle de la flore, de la faune et des micro-organismes. La toundra se compose de plusieurs arbustes, comme j'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais on a aussi des saules herbacées nains, du lichen, de la mousse, tout ce qu'on avait besoin pour avoir une faune qui est beaucoup plus diversifiée qu'elle ne l'est aujourd'hui avec toute la glace qu'on connaît. Mais si aujourd'hui, il y a des kilomètres de glace sur l'Antarctique, comment ça se fait qu'il y a déjà eu un couvert végétal dans le passé? Je me le suis, en fait, je me l'explique difficilement. J'ai pas trouvé de réponse claire à ce sujet-là. Mais ce que je peux dire, c'est que la calotte glaciaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'a pas toujours été là. La Terre, il y a une Terre en dessous, et en fait, dans l'histoire de la Terre même, l'Antarctique s'est recouverte de toute la glace qu'on connaît. Ça fait à peu près 3 à 5 millions d'années. Donc, c'est beaucoup plus récent. Et même à une certaine époque, l'Antarctique était pas au pôle sud à proprement parler, tel qu'on le voit, qu'on le situe aujourd'hui. Elle était dans une latitude plus haute, ou je devrais peut-être dire plus basse, parce qu'au pôle, c'est là qu'on retrouve le 90 degrés et l'équateur est à zéro. Donc, on augmente un peu, mais on descend au niveau de la latitude. Donc, il y avait une possibilité de dispersion, soit des graines ou du pollen, par le vent ou même potentiellement par des animaux qui étaient sur des terres aux alentours du continent là, qui est un peu à la dérive. Et de facto, ça peut expliquer aussi comment on peut en retrouver aujourd'hui des traces d'une espèce de scarabée qui n'existe plus en Antarctique. Mais du côté de l'archéologie, est-ce que cette nouvelle espèce est la seule qui a été découverte? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été découvertes aussi? Il y en a d'autres dans Scarabée, ou peu importe en fait l'espèce. Là, on a retrouvé d'autres insectes, mais les données fossiles sont relativement pauvres ou rares, si on veut, pour l'instant. C'est sûr que les recherches se poursuivent et les archéologues ont réellement un problème d'identification la plupart du temps pour les espèces qu'on retrouve dans les sédiments plus anciens. En fait, lorsqu'on retrouve des insectes dans des périodes au-delà du Miocène, donc du Paléozoïque, c'est rarement des insectes en entier qu'on va retrouver. Ça va être des parties. Et en plus, on retrouve juste des impressions d'ailes ou de corps déformés dans du schiste carboné. Ce qui nous donne tout au plus une identification au niveau de l'ordre dans la grande classification scientifique comme l'odonata pour les libellules, l'hymiptère pour les cigales ou même les coléoptères pour les scarabées. Pour les insectes qui proviennent de dépôts plus récents, comme notre scarabée, ils vont être en morceaux exosquelettiques et non pas des impressions dans la roche. Ça permet une plus grande facilité d'identification. Les fossiles du scarabée retrouvés proviennent d'une crête d'un glacier qui est assez connu en Antarctique, qu'on appelle le Beardmore. Il a été retrouvé dans une lentille de sylicite, qui est une roche sédimentaire qui contient une très grande portion de limon. C'est une marque paléontologique, si on veut, ce limon-là, d'un ancien dépôt alluvial. Donc, preuve qu'au moment où notre scarabée rôdait dans les environs, il y avait un ruisseau qui s'écoulait de la plaine vers le fjord. Nous avons donc retrouvé deux élytres. Mais ça, c'est la partie dure de l'aile d'un insecte. Et d'après leur forme et leur taille, ils ne proviendraient pas du même individu. Ce qui veut dire qu'on fait appel à deux scarabées et non pas juste un. Et les analyses d'identification, comparer la taille, la couleur, les stries, les interstries, ont permis de dire que c'est une espèce qui était inconnue jusqu'alors. Même si on pouvait quand même retrouver quelques ressemblances avec des espèces qu'on retrouve aujourd'hui en Tasmanie. Les chercheurs ont décidé de donner le nom, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de scarabée de toundra antarctique de Ball, en l'honneur du grand entomologiste George E. Ball. Une très belle reconnaissance pour un scientifique qui a donné beaucoup de son temps auprès des jeunes chercheurs dans le domaine de l'entomologie. Et en fait, on peut imaginer que les couches géologiques de l'Antarctique n'ont pas été beaucoup investiguées, hein, puis que si on le faisait, on découvrirait certainement d'autres espèces. Plein d'autres choses. Et merci aussi de m'avoir fait découvrir qu'il existait des mouches sans ailes. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Donc, on fait une courte pause musicale sur CKRL 89.1 et après, on vous revient avec Camille V. Lefebvre. Restez à l'écoute.